que de TV5, ici Xavier Poitras, avec les dernières nouvelles de l'actualité dans le milieu de la musique. L'animateur cassé LMNOP a subi une tentative de meurtre. Il a été atteint de 3 projectiles à la sortie d'un concert qu'il a fait à Montréal, Canada. Alors, pour avoir plus ample renseignement, nous vous passons à notre correspondant québécois, M. Claude Havard-Pinard. Oui, bonjour. Écoutez, ben là, on est sur la scène en ce moment. On est sur la rive sud de Montréal. Certaines personnes disent que ça sent chaud. Écoutez, c'était le concert de Casey LMNOP. Il est sorti de son concert. Quelqu'un qui l'a tiré à 3 reprises. Ça l'a frappé à la tête. On ne sait toujours pas dans quel état il est. Il est à l'hôpital Charles-Lamoine dans un état critique. Écoutez, on se laisse là-dessus. Nous autres, on essaie de suivre l'ambulance. On va aller les rejoindre. Il y a 2, 3 ou 4 autres personnes qui ont été atteintes de projectiles. Casey LMNOP, j'entends dire. Attendez. J'entends dire qu'il vient d'arriver à l'hôpital. C'est ça. Alors, on se revoit un petit peu plus tard. Je vous laisse ici. C'est un peu le chaos, quoi. Un peu la folie. Les gens ne savent pas trop où aller. Qu'est-ce qui se passe. On se revoit un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Au revoir. Et donc, notre correspondant montréalais, M. Claude Pinard-Havard.